Chapitre 10e, quelques lueurs dans l'ombre. Marc n'était qu'évanoui. Il reprit très vite connaissance. Il regarda autour de lui avec épouvante, puis il sourit en me voyant. Avant de me dire un mot, il s'approcha de Lucien et lui tâta le pouls. Hélas, mon pauvre frère était bien mort. Il portait une plaie affreuse à la tête. Puis Marc me prit par la main et m'entraîna rapidement dehors. Là, nous serons en sûreté. Je ne comprenais pas bien ses paroles, il ajouta. Je venais de vous quitter lorsque j'entendis un cri affreux s'élever de l'usine. Vous l'avez entendu comme moi, sans doute. Je me précipitais vers l'endroit d'où il venait. C'était ici même. Je ne vis rien d'abord dans l'obscurité de la salle. Un second cri s'éleva dans l'ombre tout près de moi. Quand j'eus donné la lumière, le spectacle que je vis me frappa d'horreur. La grande pince mécanique que vous avez vue tout à l'heure avait saisi Lucien par le cou, l'avait enlevé et le secouait de toutes ses forces. Je me précipitai vers l'escalier de fer qui conduit à la cabine d'où l'on commande la machine. Il n'y avait personne dans la cabine. Avant que j'eusse touché les leviers de commande, la pince s'ouvrit brusquement, lâchant votre malheureux frère qui, plus qu'aux trois quarts étranglé, remuait encore les bras et les jambes. Il tomba avec un bruit sourd sur le sol durci et se fendit le crâne sur un levier de fer qui se trouvait là. Madame Thévenel, pétrifiée d'horreur, assistait à toute la scène. Quand je descendis, je la trouvai penchée sur le corps de Lucien. Je voulus l'aider à le déshabiller. Au même instant, le revolver que j'avais remis dans ma poche partit tout seul. Avais-je fait un mouvement brusque? Il n'était pas pourtant de la marque Alstine et je l'avais au cran d'arrêt. La balle atteignit Madame Thévenel au ventre. Elle se sauva avec des hurlements. Je l'ai rencontrée. Elle paraissait égarée. Moi-même, je me suis cru le jouet d'un cauchemar. Encore maintenant, je ne puis croire à la réalité de cette scène horrible. Mais vos blessures? J'étais encore en train d'examiner avec un chagrin infini le corps de Lucien lorsque la pince redescendit. Et je savais qu'il n'y avait personne dans la cabine. J'avais fait un brusque saut en arrière, il ne put que m'effleurer. Elle revint à la charge avec rapidité, me labourant le cuir chevelu. C'est alors que je m'évanouis. Marc se tut. Nous marchâmes en silence. Nous ne retrouvâmes pas Madame Thévenel. Vous savez comment on la découvrit le lendemain dans le petit bois, accroupie derrière des branchages. Elle a guéri de ses blessures, mais sa raison n'est pas revenue. Marc et moi, nous arrivâmes à la maison. Personne ne se doutait du drame affreux qui venait de se passer. Marc alla réveiller le chauffeur pour qu'il se rendît tout de suite à Monzy afin de prévenir les autorités et la police. Je me chargeai d'avertir mon père avec tous les ménagements possibles de l'épouvantable malheur. Je frappai plusieurs fois à sa porte sans obtenir de réponse. J'essayai de l'ouvrir, la porte ne résista pas, le verrou n'était pas tiré. Cela me surprit, car mon père avait l'habitude de s'enfermer avec soin. J'entrai. La chambre était vide. J'aperçus de la lumière dans le cabinet de toilette. En approchant, je vis mon père étendu sur le sol dans une mare de sang. Sa main droite avait laissé échapper son rasoir. J'appelai à grands cris. Les domestiques accoururent. Parce que j'avais découvert ce cadavre, on m'a soupçonné de ce crime affreux. Dans leur affolement, les domestiques ne firent aucune constatation qui pût servir plus tard à l'instruction. Il se serait aperçu que la mort devait remonter à plusieurs heures déjà. Je me souviens que mon père, sans avoir donné d'ordre précis à ce sujet, avait manifesté d'une façon assez vague, pendant le dîner, son intention d'assister à une réunion du cercle républicain qu'il avait invité ce soir-là. Aussitôt sorti de table, il avait dû monter dans sa chambre et trouver la mort dans des circonstances que vous ne comprenez pas encore, n'est-ce pas ? Ces deux drames, se passant à la même heure, à peu de distance, pouvaient-ils ne pas être connexes? Que d'imagination fut dépensée en pure perte pour les expliquer? Que d'hypothèses furent émises, dont certaines ont l'apparence de la vérité bien plus que le récit que je vous fais? Vous avez le choix d'ailleurs entre tant d'hypothèses qui toutes furent examinées par le juge d'instruction. Il en est de bien ingénieuses. Elles se rattachent toutes à deux types, drame d'intérêt ou drame d'amour. Écartons d'abord le drame d'intérêt. Mon père se serait suicidé, désespéré de voir péricliter ses affaires par suite des derniers événements. Une dispute aurait éclaté entre mon frère et mon fiancé au moment où celui-ci allait relever celui-là de son service. Peut-être connaissait-il le suicide de mon père et se sont-ils mutuellement traités d'assassins. Marc aurait assommé Lucien au moyen de la barre de fer trouvée sur le sol. Madame Thévenel ayant assisté au drame, il aurait tiré sur elle pour se débarrasser d'un témoin gênant. Quant à moi, mon amour pour Marc m'empêcha naturellement de l'accuser. Je n'aurais pas pris part au drame. Dans les autres hypothèses, au contraire, j'en aurais été l'instigatrice. Il y aurait même préméditation de ma part, puisqu'on m'a vu aller en compagnie de Marc acheter un Browning perfectionné. C'est une balle de ce Browning qui atteint Madame Thévenel. Les experts sont formels. Le trou remarqué dans la poche du veston de Marc aurait été simulé pour égarer la justice. Les hypothèses suivantes sont celles que je range sous le titre de « drame d'amour ». Elles peuvent s'énoncer de la sorte. Marc et Lucien auraient aimé la même femme, Madame Thévenel. D'autre part, j'aimais Marc, qui cherchait à m'épouser pour mon argent. Au cours d'une visite à l'usine, Marc et moi tombions sur Lucien et Madame Thévenel en tête à tête. Fureur de Marc, qui se bat avec Lucien et l'assomme. Jalouse de voir mon fiancé se battre pour une autre femme, je tire sur ma rivale, Madame Thévenel. Puis je rentre à la maison. D'une façon ou d'une autre, mon père arrive à me faire avouer la vérité. Épouvanté, je l'égorge pour qu'il ne nous accuse pas, Marc et moi. Il n'y a que le premier crime qui coûte, n'est-ce pas? Il y a plusieurs variations possibles sur ce sujet. On a dit aussi que Marc et moi avions assassiné mon père parce qu'il s'opposait à notre mariage. Puis Lucien, pour la même raison, ait supprimé Madame Thévenel comme témoin gênant. C'est l'hypothèse qui doit plaire aux âmes sentimentales. Nous nous aimions tant, Marc et moi, et l'on s'opposait à notre bonheur. Roméo et Juliette. Elles doivent nous excuser presque, les âmes sentimentales, d'avoir versé tant de sang. Que de sang, n'est-ce pas? Mais il en fut répandu bien davantage par les hommes au cours de la guerre. Maintenant, si une des explications vous satisfait, je ne vous en donnerai pas d'autre. Vous pourrez les servir toutes chaudes aux lecteurs de l'Étoile du Matin. Vous ne ferez d'ailleurs que répéter ce qu'ont imprimé nombre de vos confrères. L'Étoile du Matin, dis-je, guide les hommes vers la vérité. Votre récit m'a passionné, et je ne mets pas en doute votre sincérité. Dans ces conditions, fit Mademoiselle Alstine avec un triste sourire.